me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon? J'ai plus d'argent qu'avant. Ah, ce sont les plus-values de vos placements. De mes placements? Oui. Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%? C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. C'est les néons phosphorescents, les marques, les logos, les tiroirs-caisses et les vigiles vigilants. Retirez les enfants des écoles, qui quand le maître parle rigole, qui se foutent de l'autorité et de sa façon d'éduquer, c'est l'anarchie. Nous remercions tous les enfants d'essayer d'avoir la meilleure note, d'être déférents envers les grands, d'être sages, obéissants, bâtons de carotte. Qui touche une retraite de pacotille, qu'on a relégué dans les dortoirs, quand ça bosse plus, c'est plus utile. Tiens, voyez ça, tous ces chômeurs qui ne recherchent même pas de boulot, ils pourraient au moins y mettre du leur, de l'extérieur ça aurait l'air plus beau, c'est la nature. Remercions tous les travailleurs, travailleuses à donner 80% de ce qu'ils produisent à leur entreprise, à leur patron. Nous remercions l'esclavage, le servage et le salariat qui perpétue l'exploitation, le capital et ses actions. Ces pays qui se retrouvent en guerre contre la pensée majoritaire. Pour le peuple, c'est l'extrême pauvreté. Pour la survie, c'est le système des l'anarchie. Nous remercions l'axe du mal pour tous les scoops télévisés. Nous remercions tous les États sans qui rien ne serait arrivé. Ainsi que les multinationales pour le pétrole à bon marché. Au ciel, c'est un tag sur ce mur. C'est une offense à la nature. En plus, ça apporte un message. À ce point-là, c'est un outrage. C'est l'anarchie. Nous vous remercions aujourd'hui encore d'avoir bien observé les 2500 publicités quotidiennes que vous ingérez. Vous pouvez toujours dire que vous vous en foutez. Elle n'a pas payé ses tickets pour ses transports, pour ses trajets. Merci. Remercions les citoyens qui ont payé les transports par leurs impôts et qui les repayent à nouveau. Compostage, vérification, vidéo observée, il faut bien rembourser les moyens de vous contrôler. Libre circulation, vous disiez, ces gens qui ont quitté leur pays pour de nos richesses profiter. Ils avaient qu'à être nés ici, c'est l'anarchie. Remercions tous les sans-papiers qui ont aimablement regagné leur pays d'origine pour s'y faire enfermer ou fusiller. Ici, les riches seuls sont admis. Avez-vous vu ces outrancières qui ne veulent même plus se marier, qui ont des jupes courtes jusqu'aux paupières et qui parfois veulent l'avorter, c'est l'anarchie. Nous remercions Dieu, l'abstinence, la fidélité, le pouvoir du père sur la mère, la charité, le HIV, le patriarcat bien agencé. Et que dire ces individus au travail? Tous les individus qui ne veulent pas admettre la pensée uniforme. Ça justifie les policiers, les prisons et les juges de forme. Vous serez toujours le déviant de quelqu'un, ainsi sont déviants des chiens. We'll be right back. prolétaires, les inégalitaires, les propriétaires, les capitalistes de tout poil et de tout lieu, étatiques, libérales, despotiques, militaires, aux casquettes vertes ou bleues, nos conquérants de la terre, équitables ou belliqueux, de nous permettre d'attiser la révolte, la colère, qui nous ont fait ouvrir les yeux. Comme une erreur. Ce sont les plus-values de vos placements.